L'ennui. Un matin, Mathilde entra dans la bibliothèque. « Voilà ce que je ne puis souffrir, » s'écria-t-elle. « Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur. » À ces mots, son orgueil, étonné de l'effroyable inconvenance de sa démarche, la suffoqua. Elle fondit en larmes et bientôt parut à Julien hors d'état de respirer. Surpris, confondu, Julien ne distinguait pas bien tout ce que cette scène avait d'admirable et d'heureux pour lui. Il aida Mathilde à s'asseoir. Elle s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korasov. « Je puis tout perdre par un seul mot. » Ses bras se raidirent. Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant, où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère! Et en maudissant le caractère de Mathilde, il l'en aimait 100 fois plus. Il lui semblait avoir dans ses bras une reine. L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de Mademoiselle de La Mole. Assise sur le divan de la bibliothèque, immobile et la tête tournée du côté opposé à Julien, elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Dans quelle atroce démarche elle venait de tomber. « C'est ce que je ne souffrirai pas, » dit-elle à haute voix. Et, se levant avec fureur, elle ouvrit le tiroir de la table de Julien placé à 2 pas devant elle. Elle resta comme glacée d'horreur en y voyant 8 ou 10 lettres non ouverte. « Ainsi, s'écria-t-elle hors d'elle-même, non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore la mépriser. Vous, un homme de rien, mépriser Madame la maréchale de Fervaques ?»« Ah, pardon, mon ami, ajouta-t-elle en se jetant à ses genoux. « Méprise-moi si tu veux, mais aime-moi. Je ne puis plus vivre privée de ton amour. » Et elle tomba tout à fait évanouie. « La voilà donc, cette orgueilleuse, à mes pieds, se dit Julien. »